En Allemagne, des meetings de solidarité pour soutenir le message de nouvel an du dirigeant suprême Kim Jong-un ont eu lieu à Berlin et à Cologne. Y ont pris part des personnalités du Forum allemand anti-impérialiste et du Cercle d'études de la culture coréenne et autres habitants. Les orateurs y ont dit que le camarade Kim Jong-un a précisé clairement les objectifs de cette année après avoir dressé le bilan de l'année passée et qu'ils adressent soutien et solidarité ferme à la lutte du peuple coréen engagé dans l'accomplissement des tâches avancées dans ce message de nouvel an.